Bienvenue à vous, chers auditeurs. Je vous en prie, asseyez-vous près de l'âtre, prenez une boisson, un Irish Coffee, un thé Earl Grey, un cacao banania ou une bière bon marché et prenez vos aises. Ce soir, je vous raconte une histoire. Celle de Sarah, alias Noxelian, humaine paladine niveau 110. Et de son jeune frère, Gaëtan, fan hardcore de Fairy Tail, qui découvre les joies de World of Warcraft et le monde fascinant d'Azeroth. L'une dans sa chambre, l'autre à squatter l'ordinateur familial, retrouvons-les au début de leur conversation vocale sur Discord. Bon Gaëtan, ça y est, tu es connecté au jeu ? Ouais. Ah, on me demande de créer un personnage. Alors pique de rappel, Gaëtan, avant que tu ne fonces tête baissée. Tu es actuellement sur World of Warcraft, un jeu de rôle en ligne mondialement connu et reconnu. C'est un monde héroïque fantasy, avec un petit côté science fantasy par moment, où s'affrontent depuis des années deux factions, la Horde et l'Alliance. Ni l'un ni l'autre n'est tout blanc ou tout noir. Le choix de la faction est purement par préférence. Perso, je joue Alliance avec mon humaine paladine. Il y a 13 races, les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, les Draenei, les Worgen dans l'Alliance, et les orques, les réprouvés, les tauren, les trolls, les elfes de sang et les gobelins dans la Horde. Et enfin les Pandaren qui sont neutres. Ouais. L'Alliance met en avant des valeurs comme la justice et le courage, tandis que la Horde prévaut des valeurs telles que la force et l'honneur. Ils ont tous deux du sang sur les mains, mais aussi de grandes vertus. Pour que je t'explique comment avancer plus facilement, je te conseille de prendre humain. C'est leur zone que je connais le mieux. Ok. Après, au niveau des classes... Est-ce qu'il y a les dragons slayers comme dans Fairy Tail ? Non. Par contre, tu as 11 classes. Tu peux déjà oublier le chevalier de la mort et le chasseur de démons, qui sont des classes héroïques nécessitant déjà des persos au niveau. Ils commencent au niveau 55 et 98. Donc, en tant que newbie, tu peux oublier. C'est complètement nul. Ça a l'air classe, le chevalier de la mort. Cependant, tu as des classes suivantes. Guerrier, mage, chasseur, voleur, paladin, druide, prêtre, démoniste et chaman. Toutefois, les humains ne peuvent faire ni chaman, ni druide. Ah bah moi, c'est trouvé. Je jouerai un humain mage, comme Natsu Dragneel. Mais attends, tu sais même pas à quoi correspond telle classe. Ouais, mais les mages de Fairy Tail, c'est super puissant, donc je prends. Bon, normalement, tu es sur le même serveur que moi. Un serveur PVP replay. Rien n'empêche de faire du PVE sur ces serveurs, mais si un joueur de l'Alliance croise à Horde, il peut s'attaquer. Aussi brièvement, le replay est une façon de jouer que j'apprécie beaucoup, qui consiste à... Ça y est, je viens de créer mon perso, je rentre dans le jeu. Hein, quoi ? Mais t'as écouté ce que j'ai dit au moins ? Bah ouais ! Donc j'ai dit quoi ? Bah... Ok, il a pas écouté. Wesh, t'es où Sarah ? Attends, j'arrive à compter du nord. Ouais ! Y'a plein de persos avec des noms en bleu ! Ce sont d'autres joueurs, Gaëtan. Ça y est, je suis arrivée. C'est quoi ton pseudo ? Bah, c'est le même que sur jv.com. C'est-à-dire ? Bah, XXX Dark Natsu, attends. Attends, t'es sérieux, là ? Bah, ouais, pourquoi ? Mais bon sang, mais c'est pas du tout crédible comme pseudo ! Bah, attends, c'est quoi ton pseudo ? Noxelian. La paladine sur le gros piaf avec des flammes vertes. Je peux moi aussi en avoir un comme ça ? Pour être honnête, je pense pas tout de suite. Comment ça ? Tu es niveau 1. Et alors ? Déjà, tu ne pourras débloquer les montures terrestres qu'au niveau 20, puis attendre le niveau 60 avant les montures volantes. Et pour celle-ci, l'aile de l'effroi corrompu, faut au moins être niveau 100. Donc, pas tout de suite. Pff, trop nul. Ah bah, tu peux pas tout avoir au niveau 1. Attends, j'arrive pas à bouger. On dirait que ma mallette, t'as répond plus, elle déconne ou quoi ? Attends, quoi ? Ne me dis pas que t'essaies de jouer à WoW avec une manette ! Bah, c'est plus confortable. En douille ! Z pour avancer, S pour reculer, Q et D pour tourner à gauche ou à droite, et tu interagis avec la souris. Bah, c'est mon confort d'habitude, attends, je peux jouer GTA sur PC avec la manette, hein. Bordel, on n'est pas rendu. Bon, et sinon, hein, c'est quand que je crame des trucs ? Molo, prends ta quête déjà. Clique sur le maréchal McBride, c'est le gars avec le point d'exclamation jaune au-dessus de lui. Ah ouais ? Je sens que ça va être très long. Bon, je dois buter des... Worg Rush Noirs, c'est ça ? Ça ressemble à quoi, un Worg ? Les Worg Rush Noirs. Ce sont l'îlot noir, là-bas. Cool. Plaît-il ? Ah, marche pas. De quoi? Bah, les sorts. Bon, c'est simple. On n'est pas dans Fairy Tail. En bas de ton écran, tu as une barre d'action. Ouais? Bien. Tu cliques sur le warg. Ouais. Tu te places à distance et tu cliques sur l'éclair de givre-feu dans ta barre d'action autant de fois qu'il faut pour que sa barre de vie soit vide. Okidoki. Ouah, je lui ai poutré le cul de sa mère la chienne. Reste poli, s'il te plaît. Et je dois répéter ça combien de fois? Regarde ton suivi de quête. Où ça? À droite de ton écran. Ok, c'est parti. Et c'est ainsi que Noxelian passa à peu près 2 bonnes heures à guider son jeune frère à travers Comté du Nord, là où il aurait pris moins de 30 minutes, pour que celui-ci, espérons-le, comprenne les bases de ce monde virtuel. Enfin, le maréchal McBride confia la mission à la jeune recrue XXX Darknatsu de se rendre à Comté de l'Or pour poursuivre son périple, qui sera sûrement aussi long que le let's play de Bob Lennon sur Skyrim. Quoique, faut peut-être pas non plus déconner. Mais on sait jamais. Bon, récapitulons. Tu es maintenant niveau 5, tu as récupéré un peu d'équipement, tu es mort 8 fois, tu ne fais que spammer l'éclair de givre-feu sans te rendre compte que tu as d'autres sorts maintenant, je suis sûrement en train de perdre mon temps, et tu dois te rendre à Comté de l'Or pour poursuivre tes quêtes. Je sens qu'on n'est pas sorti de la forêt d'Elwyn. Bon, prends bien ta quête du gala et tu la rendras à l'auberge. Okidoki. Et surtout, fais attention aux... Là, bandit. Tata, yo-yo. Aux ennemis ayant 3 niveaux de plus que toi. Bon ben... 3... 2... 1... Putain, moi, j'ai une vie. Oh merde, je suis mort. Pour pas changer. C'est marrant d'être un fantôme, on court plus vite. Ouais, bah ne t'y habitue pas trop. Ton équipement se détériore par rapport à ça. Ah bon? Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester vite fait bien fait et je vais te donner 10 PO que tu utiliseras pour réparer ton équipement sur le long terme et acheter des consommables aussi pour que tu régènes. Tu vas rendre ta quête, tu vas pex jusqu'au niveau 10 tout seul. Et quand tu auras atteint ce niveau, je te conseillerai une spé. Tu changeras de zone et... Dis, tu suis au moins? Ouais. Ce que je te conseille, c'est d'attendre à avoir un bon niveau avant de taguer en donjon. Et pour l'instant, d'éviter les BG. Ensuite, quand tu vois un joueur avec le nom en rouge et un niveau inconnu, tu te barres. Car c'est un PK de la Horde. Ensuite, tu auras besoin de... Attends, excuse-moi. J'ai un foot de prévu avec Louis dans 10 minutes, là. Je vais devoir y aller. Bon, ok. On continuera plus tard. Par contre, juste pour savoir... Oui? C'est où le bouton sauvegarder? Bon... Bon, on est très loin d'arriver au level max. Je te laisse, je dois changer les idées. Et moi qui pensais que ce jeu était devenu casu. Et voilà, une fin ouverte. C'est tout ce que je trouve de plus succulent à notre imagination. Et vous, vous pensez... Mais oui, mais à quand l'épisode 2, là là là? Il n'y en aura pas. C'est tout ce qui fait le charme d'un mono MP3. Si vous souhaitez une suite, chers auditeurs, c'est à vous d'imaginer la suite du périple de Sarah et Gaëtan, alias Noxelian et XXX Darknatsu en ces contrées d'Azeroth. Je suis le narrateur et je joue à World of Warcraft. Et toi, à quoi tu joues ?